Sainte Bible selon saint Jérôme, livre d'Isaïe, chapitre 1er. Vision d'Isaïe, fils d'Amos, qu'il a vu touchant Juda et Jérusalem. Dans les jours d'Ozias et de Joatan, d'Akas et d'Ézéchias, rois de Juda. Écoutez, cieux, et prête l'oreille, terre, parce que le Seigneur a parlé. J'ai nourri des fils et je les ai élevés, mais eux m'ont méprisé. Un bœuf connaît son possesseur, un âne l'étable de son maître. Mais Israël ne m'a pas connu, et mon peuple n'a pas eu d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race perverse, aux enfants scélérats. Ils ont abandonné le Seigneur, ils ont blasphémé le Saint d'Israël, ils sont retournés en arrière. Où vous frapperai-je encore, vous qui ajoutez à la prévarication? Toute tête est languissante et tout cœur abattu. De la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête, rien en lui de saint. Ses blessures, meurtrissures, plaies enflammées, qui n'a été ni bandée, ni pansée, ni adoucie par l'huile. Votre terre est déserte, vos cités brûlées par le feu. Votre pays devant vous des étrangers le dévore, et il sera désolé comme dans une dévastation de l'ennemi. Et la fille de Sion sera laissée comme un berceau dans une vigne, comme une cabane dans un champ de concombres, comme une cité qui est livrée au pillage. Si le Seigneur des armées ne nous avait réservé un rejeton, nous aurions été comme Sodome, nous serions devenus semblables à Gomorre. Écoutez la parole du Seigneur, prince de Sodome. Prêtez l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorre. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos victimes, dit le Seigneur? Je suis rassasié. Les holocaustes des béliers, et la graisse des animaux gras, et le sang des veaux et des agneaux et des boucs, je n'en veux point. Lorsque vous êtes venus en ma présence, qui a demandé ces choses de vos mains, afin que vous vous promeniez dans mes parvis? Ne m'offrez plus de sacrifices en vain. L'encens m'est en abomination. Ma néoménie, le sabbat et les autres fêtes, je ne les souffrirai point. Vos assemblées sont iniques, vos calendes et vos solennités, mon âme les hait. Elles me sont devenues à charge, j'ai peine à les souffrir. Et lorsque vous étendrez vos mains, je détournerai mes yeux de vous. Lorsque vous multiplierez la prière, je n'exaucerai pas, car vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez le mal de vos pensées de devant mes yeux. Cessez d'agir avec perversité. Apprenez à bien faire, cherchez la justice. Venez au secours de l'opprimé, jugez l'orphelin, défendez la veuve. Et venez, et accusez-moi, dit le Seigneur. Si vos péchés sont comme l'écarlate, comme la neige, ils deviendront blancs. Et s'ils sont rouges comme le vermillon, comme la laine, ils seront blancs. Si vous voulez, et que vous m'écoutiez, vous mangerez les biens de la terre. Que si vous ne voulez pas, et que vous me provoquiez au courroux, le glaive vous dévorera. Parce que la bouche du Seigneur a parlé. Comment est devenue une prostituée la cité fidèle et pleine de jugement? La justice a habité en elle, mais maintenant ce sont des meurtriers. Ton argent s'est converti en scorie, ton vin a été mêlé d'eau. Tes princes sont infidèles compagnons de voleurs. Tous aiment les présents et poursuivent les récompenses. Ils ne rendent pas justice à l'orphelin, et la cause de la veuve n'a pas d'accès auprès d'eux. À cause de cela, dit le Seigneur, Dieu des armées, le fort d'Israël. Ah, je me consolerai sur mes ennemis, je me vengerai de ceux qui me sont opposés. Et je tournerai ma main vers toi, et j'épurerai par le feu tes scories, et j'enlèverai l'alliage qui est en toi. Et je rétablirai les juges comme ils furent d'abord, et tes conseillers comme anciennement. Après cela, tu seras appelé la cité du juste. Ville fidèle. Sion par le jugement sera rachetée, et on la ramènera par la justice. Et le Seigneur brisera les scélérats et les pécheurs tous ensemble. Et ceux qui ont abandonné le Seigneur seront consumés, car ils seront confondus par les idoles auxquelles ils ont sacrifié. Et vous rougirez des jardins que vous aviez choisis, lorsque vous étiez comme un chêne dont les feuilles tombent et comme un jardin sans eau. Et votre force sera comme la cendre chaude de l'étoupe, et votre œuvre comme une étincelle. Et ils s'embraseront l'un et l'autre ensemble, et il n'y aura personne qui l'éteigne. De la Sainte Bible selon la Vulgate, dans la traduction de l'abbé Glaire, pour le site jésusmarie.com, afin d'en assurer une diffusion gratuite. Fichier placé sous licence Creative Commons le 30 novembre 2010. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous.